Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions de Damaj ont le plaisir de vous présenter la description du Hajj et de l'Umra, une série de cours donnés par le frère Abdul Hamid al-Jazairi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Damaj au Yémen. Cours numéro 6, Ma baqiya min al-Hajj wa ziyaratul Masjid an-Nabawi, la fin du Hajj et la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Dans le cours précédent, on est arrivé, on avait commencé à parler de Ayyam al-Tashriq. Aujourd'hui, inchallah, on va continuer à parler d'Ayyam al-Tashriq et ce qu'il faut faire durant ces trois jours. Et inchallah, aujourd'hui, ça va être le dernier cours sur la Eid du Hajj, sur les rites du Hajj. Et inchallah, on va essayer, si on a le temps, de parler aussi de la ziyara. Et la ziyara du Masjid an-Nabawi. Taïb. Donc, dans le cours précédent, on avait parlé de Ayyam al-Tashriq. Il faut savoir qu'ils sont au nombre de trois. Et avec Yom al-Nahr, qui est le jour du sacrifice, ça fait que ça remonte à 4 jours. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça l'Aïd al-Kabir, le grand Aïd. Donc, on peut faire quoi durant ces 3 jours? Durant ces 3 jours, on va faire ce qu'on appelle le Rami, comme on l'a fait pour la première Jamarat. Jamarat al-Kubra. Mais cette fois-ci, on va faire les 3. Al-Sughra, Al-Wusta, Al-Kubra. La petite, la moyenne et la grande. Et le Rami, on va le faire quand? On va le faire au Zawal. C'est-à-dire environ à l'heure du Zohar. C'est à ce moment-là où on va commencer. Comment il va se passer ce Rami? Tu vas lancer en tout 21 cailloux, 21 pierres. Dernier, 7 pierres pour chaque Jamarat. 3 x 7, 21. Les 7 pierres que tu as ramassées, 3 jamarats, ça fait 21 cailloux que tu vas lancer. Et ça, tu vas le lancer, on l'a dit, vers le Zawal, c'est-à-dire à l'heure du Zohar. Parce que si tu fais avant Zohar, avant Zawal, il faut savoir que ce n'est pas accepté. Et ça, pour le faire, il y a un lit, tu as jusqu'au coucher du soleil. Et Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala, il a donné une fatwa comme que tu pouvais même le faire quand? La nuit. Alors, Lakin, toi, Yarni, tu vas essayer de faire ce qui est le plus juste, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Donc, tu vas arriver, il va y avoir la petite Jamarat, c'est la première. Tu vas lui verser les 7 cailloux. Et, comme on a dit, après chaque pierre lancée, après chaque caillou lancé, tu vas dire Allahu Akbar. Une fois que t'as lancé tes 7 cailloux, là tu vas faire quoi? Tu vas mettre en direction de la Qibla, tu vas décaler un peu à droite, tu vas te mettre en direction de la Qibla, et tu vas faire des doigts, lever tes mains et faire des doigts, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Toi tu vas acheter dans les doigts. Une fois que tu as fait tes doigts, tu vas passer à la deuxième jamra. Et là, pareil, tu vas faire exactement la même chose, tu vas lancer 7 cailloux. Tu vas te mettre en face, et tu vas après chaque caillou, tu vas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à ce que tu as fait les 7. Et là aussi, tu vas faire quoi? Une fois que tu as lancé tes 7 cailloux, tu vas te décaler et tu vas faire des doigts. Tu vas ajtahid dans les doigts. Tu vas faire beaucoup de doigts comme on l'a dit, pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour les savants. Et aussi, n'oublie pas les kofar dans tes doigts. Mais ça, là, on va parler un peu vers la fin, Inch'Allah. Une fois que tu as annoncé les 7 pierres, tu vas faire, comme tu as fait de Jamrat, tu vas faire 14 pierres. Il va t'en rester 7. Là, tu vas faire la troisième Jamrat. Jamrat al-Kubra. De la même manière. Et cette fois-ci, dès que tu vas lancer tes 7 pierres, là, il n'y a pas de doua. Là, tu pars directement. Et ainsi, Yanni, tu as fini le rite du 11e jour. Il n'y a rien de compliqué. Yanni, sauf ce jour-là, il va y avoir sûrement de la bousculade. Toi, Yanni, si tu vois qu'il y a du monde, presse-toi pas. On dit, tu as jusqu'au coucher du soleil pour le faire. Ouais, jusqu'au coucher, si tu vois que t'es le. Parce que les gens, ce qu'ils font, c'est comme ils savent que c'est après le dhuhr, ils vont tous aller en même temps. Toi, même si tu restes un peu en arrière, tac, ça va se calmer. Les gens, ils vont partir, ils vont voir le monde, ça va être plus facile. Et si tu as avec toi des personnes âgées ou des enfants qui ne peuvent pas jeter des pierres, alors là, il t'est autorisé de jeter les pierres pour eux. Mais par contre, il y en a, ils font quoi? Ils ont vécu leurs épouses. Ou ils ont vécu des femmes. Et comme ils ont peur de la bousculade, ils jettent pour leur femme, ou pour leur soeur, ou pour leur mère. Et ça, c'est khata. À partir du moment où la femme elle a la capacité de jeter, c'est elle qui le fait. Et toi, Yarni, comme on l'a dit, tu n'es pas obligé d'aller directement aux Zawal. Là, je vais jeter la pierre. Je vais faire mon ramé. Tu peux attendre que le monde y part. Parce que, comme on l'a dit, les gens ils vont être pressés de le faire. Ils vont y aller directement. Et ça va se bousculer dans les premiers moments. Ensuite, Yarni, après le rassage, tu peux le faire. Tu as jusqu'au Maghreb. Et chez Ansaïmine, comme on l'a dit, Yarni l'autorise de le faire la nuit aussi. Donc toi, Yarni, si tu as peur pour ta femme ou quoi que ce soit, retarde. T'as du temps pour le faire. Et certaines personnes ont essayé, ont vu qu'après la rassal, il n'y a pas beaucoup de monde. Toi, alors profite de ce moment-là. Et ça, cet acte, yani le ramé de Jamarat al-Kubra, al-Sughra, al-Wusta, yani tu vas faire la même chose le deuxième jour. Mais le deuxième jour, ça représentait quoi? Le deuxième jour de Tishri. Ouais, dans la ayah, il fait Faman ta'ajala fi yawmayn. Yani, ça veut dire qu'après ça, toi, si tu veux pas rester le troisième jour, et tu dis, moi, khlas, je vais faire mes deuxième jour. Bien que le meilleur, c'est de rester les trois jours. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Mais celui qui reste deux jours, il n'est pas athim, comme dans la ayah. Dès que tu vas faire ton lancer, il faut que, avant le coucher du soleil, comme on l'a dit précédemment, tu quittes Mina. Si au coucher du soleil, tu es encore à Mina, alors là, tu es obligé de rester jusqu'au lendemain et de faire trois jours. Et le troisième jour, tu vas faire comme les deux jours précédents. Et comme on a dit, là aussi, il faudra que tu quittes Mina la veille du 14. On a vu, Yarni, on a Jamara, le Rami, il n'est pas compliqué, il est simple. Il est très très très simple même. Et on pourra se poser, Yarni, une question qui est importante et que ça peut arriver et que ces questions concernent surtout la femme. Ces questions concernent surtout la femme, c'est pour ça qu'il faut prêter grande attention que la personne ne se retrouve pas sur place, elle ne sache pas quoi faire. La question, c'est la suivante. C'est une question qui pose problème, une question qui pose problème pas seulement à notre époque, mais déjà, à l'époque de Cheikh l'Islam, cette question lui a été posée. C'est quoi cette question? C'est si une femme, elle se trouve, qadar Allah, elle a ses règles. Et qu'elle n'a pas fait tawaf ifada, qu'est-ce qu'elle fait? Comme on l'a dit, il y a un tawaf ifada, c'est un pilier. Si tu n'as pas fait tawaf ifada, ton hajj n'est pas complet. Tu es obligé de le faire. Mais si la femme, elle a ses règles, et que ses règles, par exemple, elles vont durer jusqu'au départ. Elle, ça veut dire qu'elle est obligée de rester dans cet état jusqu'au truc, jusqu'à son départ. C'est quoi le hal? C'est quoi la solution à ce problème? Cheikh l'Islam, rahimahullahu ta'ala, et Cheikh Othaymin, rahimahullahu ta'ala, ils ont dit quoi? Surtout qu'à notre époque, il faut bien prendre en considération que la majorité des voyages, c'est des voyages organisés, que le groupe, il ne peut pas rester en retard à cause d'une personne. C'est pour ça que c'est une question qui est importante. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rahimahumullahu ta'ala, dit, si la femme a ses menstrues et qu'elle doit partir et que son retour n'est pas sûr, et que son retour à Mecca n'est pas sûr ou difficile, alors dans ce cas, elle met quelque chose qui va empêcher le sang de couler. Et faire le tawaf à l'ifada. Car ça, c'est un cas spécial. Et entre le fait de faire tawaf à l'ifada, en ayant ses règles, et de partir sans faire tawaf ifada, le moins grave, c'est de faire tawaf ifada avec ses règles. Parce que là, c'est un cas où il y a vraiment plus de choix, c'est un cas, comme on l'appelle, daruri. C'est un cas où il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Et ces deux savants, et d'autres, ont vu que c'est la meilleure des solutions, que la femme, elle mette quelque chose qui empêche le sang de couler, et de faire tawaf ifada. Parce que si la personne ne fait pas tawaf ifada, par exemple, et qu'elle retourne dans son pays, elle n'est pas sortie de son état d'ihram. Elle est encore en état d'ihram. Et le retour, ça va être difficile. C'est pas comme une personne, par exemple, qui est dans le même laka. Quelqu'un qui habite en Arabie Saoudite, par exemple, la personne, elle peut retourner chez elle, revenir après une semaine, deux semaines ou trois semaines, faire tawaf ifada, mais fichez. Donc, Yarni, entre-temps, elle ne fait pas ce qui annule Yarni son ihram, c'est-à-dire que la femme, elle n'a pas de rapport avec son mari ou quoi que ce soit. Elle peut revenir deux ou trois semaines plus tard. Mais là, nous, notre cas, c'est un cas qui est délicat, parce que c'est quoi? On est des personnes qui habitons hors d'Arabie Saoudite. Et que le retour, il est difficile. Ce n'est pas un retour, un voyage que tu fais tous les mois ou toutes les semaines. C'est pour ça qu'Yarni, c'est une question importante. Et qu'il faut que la femme, Yarni, s'y évoque vraiment et a plus de choix. Le départ, il est proche. Alors, dans ce cas-là, elle fait tawaf ifada. Avec le sa'i et tout ce qui va avec. Cela, c'est un cas spécial. Bien sûr, c'est clair qu'elle ne va pas faire yani la salat khalf al maqam. Non, parce que la salat, la sa'i, c'est autre chose. Mais on parle du tawaf. Mais si tu ne fais pas salat, derrière le maqam, là-bas, ton hajj, il est sahih. Mais si tu ne fais pas tawaf ifada, ton hajj, non, il n'est pas sahih. Inch'Allah, je pense que c'est clair. Et la deuxième question aussi qu'on pourrait se poser, c'est si une femme a fait tawaf ifada. Ce qu'elle a avant, la question d'avant, c'est si elle n'a pas encore fait. Mais là, si elle a fait tawaf ifada, mais qu'après cela, elle a ses règles. La question c'est, est-ce qu'elle fait tawaf al-wada? Et la réponse, c'est non. Car il est venu un hadith d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'anhu qui a dit أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه حفظ على المرة الحائضة. يعني ça veut dire quoi? C'est-à-dire il a été ordonné aux gens de que leur dernier lieu de rendez-vous soit la Beit Ay, la Kaaba. Mais il a été allégé, c'est-à-dire autorisé aux femmes qui ont leur menstrue de ne pas faire tawaf al-wada. Ça, c'est un cas où la femme, si elle a eu ses règles après tawaf al-fada, elle n'est pas obligée de faire tawaf al-wada. طيب. Une fois que tu as fini Ayam al-Tashriq, c'est-à-dire tes trois jours, 11, 12, 13, toi tu vas faire quoi? Tu vas retourner à Mecca. Et une fois retourné à Mecca, comme on a dit précédemment, dans le cours de la Umra, tu ne vas pas perdre ton temps dans les magasins ou à te promener ou quoi que ce soit. Tu rappelles-toi du fadl qu'il y a de faire salat devant la Kaaba, de faire des tawaf, de faire des ibadah. Et rappelle-toi que le hajr, il est multiplié. Donc toi, Yann, tu vas faire quoi? Tu vas jtahid dans les ibadah, dans la lecture du Coran, dans le dhikr, dans le dua, dans le sahih. Et ça, jusqu'à ton départ. Et dès que ça va être le jour de ton départ, peu de temps avant ton départ, c'est-à-dire dans la même journée, 2 heures avant ou 1 heure avant, tu vas faire ce qu'on appelle le tawaf al-wada'. Tawaf al-wada', c'est-à-dire le tawaf d'adieu. Tu vas faire un tawaf normal en faisant 7 tours. Mais la différence entre les autres tawaf, c'est que tawaf al-wada', le tawaf d'adieu, tu ne fais pas le sa'i. Tu fais ton tawaf et tu pars. Maintenant, Yanni, c'est clair que tu peux rester à Mecca, mais vraiment une courte période. Si par exemple tu veux te prendre une douche avant ton départ, vraiment quelque chose de court. C'est pas que tu passes encore une demi-journée à Mecca. Non, tu fais tawaf al-wada. Si tu as vraiment des petites bricoles à faire, tu veux manger, tu veux te laver, des choses rapides, alors là, Yanni, tu peux le faire. Mais autrement, une fois que tu as fait tawaf al-wada, tu dois quitter Mecca. Parce que, comme il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, an yakun akhir al-ahd, ay Mecca. Que le dernier lieu de rendez-vous, si on peut traduire ça comme ça, c'est la Kaaba. C'est-à-dire que tu ne vas pas passer une demi-journée en plus à Mecca à te promener. Autrement, si tu fais ça, tu es obligé de retourner et refaire tawaf al-wada. Ensuite, une fois que tu vas avoir fait tout ça, toi, ce que tu vas faire, tu vas aller à Médine. Médine, pour faire quoi? Pour faire la ziyara du Masjid Nabawi. Une fois que tu arrives à... Parce qu'il ne faut pas croire, il y en a, ils pensent que dès que tu vas à Médine, c'est pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors que ça, c'est faux. Yani, et Médine, c'est pas un pilier parmi les piliers du Hajj. Yani, celui qui va au Hajj et qui n'a pas à Médine, il n'a rien, il n'est pas athée, il n'a pas de péché. Alors, le mieux, c'est que tu vas à Médine pour visiter le Masjid Nabawi. Et faut que tu dises bien une chose, bien, faut que tu mettes bien une chose dans la tête. C'est que dès que tu vas à Médine, c'est pas pour voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est pour voir le Masjid Nabawi. Parce que le Masjid Nabawi, yani, pareil, il a des fadl, il a des mérites. Et toi, yani, à la tariq, une fois que tu es là-bas, tu vas passer salam à Rasul Salam. Mais c'est pas, tu pars pas à Médine pour voir la tombe de Rasul Salam. Non, tu vas à Médine pour le Masjid. Et parmi les mérites du Masjid Nabawi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a dit Salatun fi masjidi hada afdal min alfa salat fi ma siwa illa al masjid al haram wa salatun fi masjid al haram afdal min salatin fi ay masjid wa hada bi miyat al salat. Il a dit quoi? Salat fi masjid hada afdal min alf salat fi ma siwa illa al masjid al haram wa salat fi al masjid al haram afdal min salat fi masjid hada bi miyat al salat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rasul Salam, il a dit une salat fait dans cette mosquée, dans ma mosquée Masjid Nabawi, vaut mieux que 1000 salat fait dans une autre mosquée. En dehors, du Masjid al-Haram, en dehors de Mecca. Et une salat fin dans le Masjid al-Haram, elle est mieux que. Elle est mille fois mieux qu'une salat fait dans ma mosquée. Puisqu'on a dit qu'une salat faite dans le Masjid al-Haram, ça équivaut à 100 000 salat. Une fois que tu es arrivé au Masjid Nabawi, tu rentres avec le pied droit. Alaykoum pour toute mosquée. Et tu fais la même doua que tu fais dès que tu rentres dans n'importe quelle mosquée. Une fois que tu es rentré dans la mosquée, tu vas faire quoi ? Rak'atayn. Tu vas faire deux unités de prière. Si tu peux les faire dans Ar-Rawda, c'est mieux. Et Ar-Rawda, c'est quoi ? C'est l'endroit qui se trouve entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Minbar. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما بين بيتي ومنبري روضة فمن في روضة من رياض الجنة يا رسول الله الذي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يا رسول الله الذي entre ma maison entre ma maison et mon minbar il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Toi, Yanni, si tu peux le faire dans ta raqatine dans cet endroit, c'est bien. Mais durant ces salats, tu vas faire des du'as, que ce soit pour la dunya ou pour l'akhira. Il n'y a pas de manière. Et si tu ne peux pas faire salat dans Rawda, affiche, tu fais tes salats n'importe où. Une fois que tes raqatines ont été faites, tu vas te diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et tu vas lui passer le salam en disant Assalamu alayka ayyuha rasul wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani, tout le monde a compris, je pense, que la paix soit sur toi au message d'Allah et que ses miséricordes ainsi que ses bénédictions. Ensuite, tu vas te déplacer sur ta droite. Et sur ta droite, il va avoir la tombe de Abu Bakr, radiallahu ta'anhu. Et pareil, tu vas passer salam Assalamu alayka ya Abu Bakr. Il a dit que la paix soit sur toi, ou Abu Bakr. Ensuite, tu vas encore te dépasser un peu plus à droite, et là tu vas te trouver face à la tombe de Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Et tu vas passer le salam, salam alayka ya Omar. Et toi, il faut que tu fasses attention de ne pas faire ce que certains font. Tu vas voir certains, ils disent, on est dans le Masjid Nabawi, et ils croient qu'il y a une baraka de partout. Ça veut dire qu'ils vont s'essuyer à la tombe du Rasoul, ils vont s'essuyer par terre, ils vont s'essuyer au mur, ils vont s'essuyer aux portes, etc. Alors que, en cherchant la baraka. Alors que les salafs, ça, ils ne l'ont jamais fait. Et certains, ils font quoi? Ils se mettent en face de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils font des du'as. Et ça aussi, c'est faux. La du'as, il faut que tu la fasses en direction de la qibla. Et tu vas voir qu'il y a les rafida alayhim la'natallah. Ils font des du'as en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il faut savoir que Rafida, bien qu'ils disent, qu'ils prétendent aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne se gênent pas à parler en mal de Aïcha, radiyallahu ta'anha, en disant que Aïcha, elle a commis l'adultère. Alayhim la'natallah. C'est ça, c'est une chose qu'ils accepteraient même pas pour leur mère. Ils ont dit ça pour la femme de Rasoul Salam. Ça montre qu'ils n'ont pas de respect envers Rasoul alayhi salat wa salam. Taïb. Il faut bien que tu te mettes en tête aussi que tu vas à Médine. Ce n'est pas pour, comme on l'a dit, voir la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour faire la salat dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir le ajr. Parce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam il a dit la yushad al-rihal ila thalatha masajid masjid hadha wa masjid al-haram wa masjid al-aqsa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Il a dit on ne fait pas le voyage dans trois mosquées sauf dans trois. Yani, tu ne prépares pas tes affaires pour faire un voyage exprès pour cette mosquée, sauf dans trois mosquées, qui sont la mosquée Al-Haram, qui est à Mecca, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mosquée Al-Aqsa, qui est en Palestine. C'est les trois mosquées où tu prends tes affaires pour faire aller vraiment visiter ces mosquées. Une fois que tu es à Médine, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits aussi à visiter. C'est vrai que je te conseille de visiter. Ce n'est pas une obligation. Walakin, c'est mieux. Parmi les lieux à visiter, c'est Al-Masjid Baqir. C'est la mosquée qui est à côté. C'est le cimetière. C'est le cimetière qui est à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là-bas, dans ce cimetière, il y a beaucoup de compagnons qui ont été enterrés. Et tu peux aussi aller visiter Shuhada Uhud. C'est aussi un lieu, car tu peux aller visiter, voir Uhud comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé, où le Sahaba était passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cette guerre. Voir aussi le Shuhada Uhud. Et dès que tu rentres dans le cimetière, que ce soit Baqir ou pour visiter les Shuhada Uhud, tu vas dire quoi? Assalamu alaikum. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Je vais faire cette dua qui veut dire السلام عليكم, paix sur vous, أهل الديار من المسلمين, aux habitants des tombes parmi les musulmans et les croyants. Et nous serons inshallah, et nous vous rejoindrons bientôt si Allah le veut, et nous demandons à Allah pour nous et pour vous la santé et la sakina, et la sérénité. Parmi aussi les lieux à visiter, c'est le Masjid Quba. Masjid Quba, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il le faisait. Il y a des mérites à visiter Masjid Quba. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est venu, il a dit: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Rasoul Salam, il a dit, celui qui fait les ablutions chez lui et qui ensuite se dirige vers le Masjid Quba et qui fait un Masjid Quba de Raqqa, c'est comme s'il a la récompense d'une Umra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il visitait yani Masjid Quba, soit sur une monture ou il allait en marchant. Et aussi parmi les lieux à visiter, c'est lesquels? C'est le Khandaq, la tranchée qu'a à Médine. Cette tranchée, elle a eu lieu, yani comme dans Surat al-Ahzab, où Allah il parle de cette bataille. Yani, je conseille aussi de lire dans Tafsir ibn Kathir. Il raconte cette histoire, ce qui se passe avec les moumines, c'est une belle histoire. Dans quel état ils étaient, pour qu'ils comprennent yani, ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est quoi la cause du Khandaq, de la tranchée. Voilà. Et maintenant, je voudrais attirer aussi, yani ça, c'est-à-dire, on a fini pour ce qui est du Hajj, et même de la Ziyara. Celui qui est maintenant, il peut aller faire le Hajj tranquille. Il sait tout comment il faut faire, alhamdoulilah. Et yani ça, si on a réussi à faire ce cours, il faut savoir que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. Si Allah ne nous aura pas facilité, on ne sera jamais arrivé. Il n'y a pas une chose qu'on fait, si Allah il nous a pas en aide, on ne la fait pas, tu vois. Ça, il faut bien se mettre en tête. Alors aussi, ce que je voudrais dire, c'est que dès que tu vas partir, si tu peux prendre avec toi des médicaments pour la tête, des médicaments pour la diarrhée. Tu peux prendre aussi des bandages, parce que tu vas marcher, c'est possible que tu fasses mal au pied ou que tu tordes la main ou quoi que ce soit. Prends des bandages, prends un spray pour les foulures, dès que tu as une endorse ou quoi que ce soit. Là, ça prend pas beaucoup de place, Inch'Allah, ça peut être utile sur place. Alors aussi, avant de terminer, comme il reste un peu de temps, alhamdulillah, je voudrais aussi qu'on tire attirer l'intention sur un point. Et si on prend un peu de recul et qu'on médite un peu sur le Hajj, on va voir l'importance de la dua. Et on va mieux comprendre le sens du hadith qui dit Ad-du'a huwa al-ibada, avec l'invocation, c'est l'adoration. Si tu regardes bien, si tu médites un peu, tu vas voir que à plusieurs endroits, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé de faire des du'as. Ça montre son importance. Et on va essayer de passer en revue rapidement les endroits où tu vas faire des du'as pour montrer l'importance des du'as. Déjà, il y a dès que tu vas partir de chez toi, tu vas être en voyage. Et il est vu dans le hadith que trois catégories de personnes où leurs du'as ne sont pas refusés, et parmi elles, il a cité le voyageur. Donc, sur là, tu rentres déjà dans le hadith. Ensuite, il y a la du'a dès que tu rentres dans la mosquée. Mabalouk, dès que tu rentres dans le masjid al-haram. Il y a aussi les du'a que tu fais pendant les salats. Il y a les du'a que tu vas faire durant le tawaf. Il y a les du'a que tu vas faire durant le sa'i. Durant les tawaf, j'ai pas dit un tawaf, c'est les tawaf. Il y a plusieurs tawaf. Il y a ceux qui sont obligés et ceux qui sont surérogatoires. Il y a les du'a que tu vas faire durant le sa'i. C'est pareil, le sa'i, il y a les sa'i obligatoires et sa'i surérogatoires. C'est pour ça, on regarde bien à quel endroit tu vas faire des du'a. Et pour montrer l'importance des du'a, il y a les du'a à Arafat. Et il y a les du'a dès que tu vas lancer les pierres. Et ça montre l'importance des du'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les du'a c'est une ibadah qu'il aime. قال الله وقال ربكم ادعوني يستجب لكم يا الله الذي انفقكم واجب فيك زوسخ يعني ça tout ça là ça montre quoi ça montre يعني l'importance des du'a et ça encore il y a des makans encore qu'on a oublié hein les du'a Muzdalifa dès que tu es vers la montagne les du'a dès que tu es sur la route et ça il y a des makans on a oublié. Moi, ce que je veux, c'est attirer l'attention sur l'importance des du'as. Pour te montrer que c'est une ribada qui est ardima. Comme on a dit, قال الله ادعوني استجب لكم. Parce qu'il y en a, ils font quoi? Ils vont et ils sont fatigués. Ils ont tout fait le hajj. Le hajj s'est bien passé. Mais dès qu'ils arrivent au Masjid Nabawi, ils se trouvent face à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et ils commencent à demander à Rasulallah. Et avec ça, ils ont perdu tout ce qu'ils ont fait avant, comme amal, comme œuvre. C'est assez stupide. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas t'exaucer. Il ne peut rien faire pour toi. Et toi, tu vas, tu lui demandes. Et un shaytan, il t'a eu dans quel sens? C'est que tu as perdu en croyant que prendre un raccourci pour arriver par Allah, il t'a fait perdre tous tes hasanats que tu avais avant. Qal Allah. Allah il a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Il n'a pas dit partez et invoquez Fulan, Wali Fulan, Wali Fulan et je vous exaucerai. Non, il dit invoquez-moi. Il faut que tu te mettes dans la tête, Yannick, que ces du'as elles soient faites à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. La du'a c'est une ibada. Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Il y a un avocat, Rasoul, ou un sahabi, ou autre, il t'a donné un associé à Allah. Parce que la dua, c'est quelque chose qui est khas à Allah, pour Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala que tu demandes. Tu ne vas pas dire, oh Allah, tu ne vas pas dire, par exemple, vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Rasoul, je suis malade, guéris-moi. Rasoul, il ne peut pas te guérir. Il faut que tu te mettes bien ça en tête. Rasoul, c'est un homme. C'est un nabi, on lui donne le niveau qu'il a, le mérite qu'il a, et ses mérites sont nombreux, mais on ne lui donne pas des choses qui font partie de la ibada. Et parmi les dalils, comme quoi Rasulullah ne peut rien faire, c'est que, à l'époque des compagnons, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été touchés par la sécheresse. Et les compagnons, c'est eux qui ont mieux compris le dîn que nous. Et Omar, il a dit, Allah avant, yani dès que Rasul Salam était vivant, on faisait le tawassul avec Rasul Salam. C'est Rasul Salam qui invoquait Allah pour les compagnons. Et après, il a dit quoi, Omar, il a fait maintenant, yani maintenant que Rasul Salam est mort, il a fait, on fait tawassul avec un autre Abd al-Saleh. C'est qui? C'était l'Abbas. C'était une personne pure, il était vivant. Et ainsi, Omar lui a dit, lève-toi et fais des doigts. La personne était vivante. Toi, tu ne vas pas demander de l'intercession ou l'aide d'un mort. Je dois attirer l'attention sur ce point. Et aussi, yani, ce que je conseille, c'est que parmi les doigts, on a dit contre aussi les kofars. Parce que regarde, les kofars, eux, yani, ils n'ont pas de rahmet pour nous. Ça, il faut que tu te mettes en tête. Et ces deux zones qu'ils ont fait, que de, par exemple, caricaturer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aura fait quoi? Ils sont allés, ils lui ont fait des films, qu'ils l'ont accusé, yani, de choses, et a'udhu billah. Et eux, yani, ils font ça pour faire rire le monde. Toi, yani, dans ce hal, c'est deux zones qu'ils t'ont fait. Ils ont fait du zulm à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont accusé de choses que Rasulullah bari minha. Rasulullah, il n'est pas responsable de ce qu'il a, de ce qu'il l'accuse. Et yani, à la sabil al-mithal, souvent yani, on a entendu de Cheikh Yahya, il disait quoi? Il disait, Wallah, même Fir'aoun, qui est plus grand Tarout, il dit, même qu'il ait yani, qu'il dit, yani, qu'il avait des, que c'était lui, le Allah, qu'il avait des, yani, qu'il avait Rububiya, tout ça, il dit, même avec tout ça, là il y a juste, on n'a pas le droit de dire sur lui ce qu'il n'a pas fait. Et tu n'as pas le droit de dire sur Pharaon, par exemple, que Pharaon c'est un homosexuel. Non, tu dois être juste. Tu ne peux pas l'accuser de ce qu'il n'a pas fait. Et eux, ces kuffars, alayhim l'arnat Allah, il faut faire des doigts, toi profitant, t'as un mec qui a fait des tawaf, fait des doigts contre eux, parce qu'ils ne t'arrament pas, il ne faut pas que tu dis non, c'est trop dur. Ou... Eux, ils ne t'arrament pas, ils n'en ont rien à faire de ta vie. Il faut mettre bien ça en tête. Et pour te montrer, Yanni, qu'ils n'ont pas de rahmet pour toi, pour bien que tu comprennes ça, c'est que pour leurs parents, ils n'ont pas de rahma. Leurs parents, ils sont vieux, ils les mettent dans des maisons de retraite et ils les laissent mourir. C'est avec leurs parents, s'ils n'ont pas eu de rahma, ils ne vont pas en avoir avec toi. Et alors toi, Inch'Allah, yani, tes doigts, Wallah, elles sont plus efficaces, elles sont plus dures contre eux que le fait que tu marches dans la rue et que tu manifestes. Ça manifeste, il n'y a pas de la sunna, ni le Coran ni la sunna sont venus pour appuyer ça. Et parmi les choses qui te montrent, yani, qui se moquent de toi quand tu te manifestes, c'est qu'ils te mettent même un parcours. Ils te disent, suis ce parcours et va écrire. Écris toute la journée. Toi, tu es rentré chez toi, ça n'a rien changé au problème. Tandis que les doigts, il y a un hal où tu vas être à Mecca, devant la Kaaba. Mets-toi bien ça en tête, tu vas être en voyage, tu vas voir des endroits où les doigts sont moustajaba. Toi, fais des doigts contre eux. Qu'Allah il les détruise. Qu'Allah il les touche par la pauvreté. Qu'Allah il les touche par la maladie. Qu'Allah il les touche par la sécheresse. Qu'il les touche par la canicule. Yani, les plus grands mal qu'Allah il les envoie sur eux. Et là encore, j'en oublie, tu vois. Parce que toi, yani, il faut que tu dises une chose. Ils ont fait ça. Ils font des dessins, ils font ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit quoi? Et nous, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de muqarana entre la parole d'Allah et ce qu'ils font. Nous, on n'a pas hésité, oui, mais attends, à l'époque, c'était pas comme ça, avant, c'était comme ça. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il nous a informé des kofars. Il nous a décrit comme ils étaient. Et c'est Allah qui les a créés. Et Allah, il les connaît mieux. Et Allah, il a dit quoi? Il a fait, وَمَا تُرْفِي سُدُرُهُمْ أَكْبَرُ. Il y en a ce que dans leur cœur, ils ont. Bon, là, c'est rien par rapport à ce qu'ils t'ont fait montrer. S'ils peuvent faire plus, ils vont faire plus. Alors toi, yani, il ne faut pas que tu aies de rahmet pour eux. Rahmet pour eux, yani, c'est que tu les prêches à l'islam. Ça, rahmet pour eux. Mais si maintenant ils refusent, yani, fais des doigts contre eux. Qu'Allah il les détruise. Qu'Allah il se boum bil bala. Qu'Allah il fait descendre sur eux des maladies qu'ils n'ont pas encore vues. Pire que le sida encore. Yani, il ne faut pas que tu aies de sentiments pour eux. Eux, yani, ils se moquent de l'islam. Ils se moquent de Rasoul. Ils se moquent des compagnons. Ils se moquent d'Allah. Yani, ça, c'est ces deux hommes qui sont en train de faire. Regarde, il y a actuellement, pour te donner un exemple, ils ont créé une fitna, ils ont créé un mal dans les pays musulmans. des musulmans en Syrie sont morts à cause d'eux, tu crois que ça les empêche de dormir? Tu crois qu'ils en ont à faire quelque chose? Il les laisse comme ça. Il y en a eux, ça les arrange que aujourd'hui des sunnis, des musulmans, ils meurent. Wallah, chaque fois qu'il y a des sunnis qui meurent, ça les arrange. C'est ce qu'ils veulent. Donc toi, Yarni, dans les doigts, ajtahid contre eux. T'es dans un mekan adim, dans un mekan où les doigts sont acceptés. Fais des doigts contre eux. Qu'Allah les détruise, qu'Allah les touche par la pauvreté. Qu'Allah il rajoute du mal à leur mal. Parce que Yarni, c'est là il y a Jouz, Yarni, qui vient, il se moque de Rasoul Salam gratuitement comme ça. Et Inch'Allah, Yarni, eux, ça va venir. Yarni, bidnillah, on espère qu'Allah nous donne du temps, Yarni, pour Bayan. Réellement, les kofars, c'est quoi leur aqida? Et pour Bayan, réellement, c'est quoi la démocratie? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il facilite un frère ou qu'il nous donne du temps pour montrer le char de la démocratie et le char des kofars. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.